La cité aux immenses piliers et aux arches de pierre. De l'eau s'écoule des aqueducs, tandis que la cathédrale prône fièrement au-dessus de sa ville. De ses gargouilles, à la silhouette de Domo de Genesis, s'écoule la source alimentant ensuite les différents quartiers des Anabaptistes. Nous sommes en début de soirée, le soleil ne va pas tarder à tomber, à se coucher, et les jeunes Anabaptistes qui effectuent leur ronde au niveau des grandes murailles commencent à allumer des brasiers dont les flammes se mettent à crépiter dans l'air. Mokosh, tu te trouves actuellement avec le reste du groupe dans une chambre d'auberge. L'auberge du Grandiloquent, celle où vous étiez rendu la dernière fois que vous étiez allé à Cathédrale. Vous êtes là, assis à ne rien faire, attendant ce qui doit arriver, jusqu'à ce que quelqu'un toque d'un poing ferme à la porte. Il est l'heure, nous vous attendons dehors. En sortant de l'auberge, tu te retrouves face à un groupe d'orgiastiques équipés de torches qui illuminent leur visage à travers la nuit commençante. L'un d'entre eux s'avance et s'adresse à toi. Nous vous attendions, suivez-nous. Ensemble, vous traversez le quartier de plantation où vous voyez les ascètes réunir les récoltes et les olives qu'ils ont récupérées durant la journée. Vous passez ensuite par le quartier de la Forge de Cathédrale, où cette fois-ci vous croisez des orgiastiques en train d'entretenir leur équipement en préparation de futures batailles, par exemple. Vous arrivez finalement au pied des marches de la cathédrale. En haut de ces dernières, tu distingues une silhouette en contre-jour. Ce n'est que lorsque cette dernière s'avance d'un pas hors de l'ombre que tu reconnais Lito, ton ancien maître. Alors que tu te mets à gravir une à une les marches de l'escalier menant à la cathédrale pour le rejoindre, tu remarques un léger sourire et un regard empli de fierté. Tu te trouves désormais à son niveau. Ensemble, vous pénétrez au sein de cet immense lieu sacré. L'intérieur est construit symétriquement. Tu reconnais les couloirs et les murs derrière lesquels tu es restée prisonnière des mois durant. Chaque pilier, maintenant, l'énorme structure semble peser à lui seul plusieurs tonnes, et vous déambulez ainsi tout petit à l'intérieur de ce gigantesque édifice. Tu arrives finalement au niveau de la grande salle centrale. À l'intérieur, au centre, ont été réunis plusieurs centaines d'anabaptistes de cathédrale, assis, en silence. Un peu plus en hauteur par rapport à toi, une assemblée composée de membres éminents de ton culte, dont ce Orphide, qui est l'une des huit baptistes, le dirigeant. Mokosh, tu te trouves donc à l'intérieur de la salle centrale de cathédrale, réunie au milieu de tous ces anabaptistes. Des ascètes se dirigent vers toi et te dépossèdent de ton manteau, ainsi que de la plupart de tes affaires encombrantes. Ils commencent ensuite à te recouvrir d'huile élyséenne. Tu sens le liquide pénétrer sous ta peau, et une intense sensation de chaleur t'envahit. Comme si la foi à l'intérieur de ton cœur se mettait à lutter. À ce moment-là, Orphide, la Baptiste, se lève et te fait signe d'avancer au milieu d'une espèce de grand cercle sculpté à même le sol. Elle entame également un discours devant la foule extrêmement attentive. Orgiastique Mokosh, jurez-vous de servir la Néognose et de combattre le démiurge qui s'est emparé du sud de la Franca, de chasser le Géamétan qui s'y est établi et d'y insuffler le souffle de la Renaissance? Je le jure. À cet instant, des orgastiques s'avancent derrière toi et pointent leurs torches au niveau du cercle qui s'enflamme complètement pour former le symbole de la croix brisée. Alors prouvez-le en traversant les flammes ou déshonorez votre culte à jamais en quittant le cercle. Pour rappel, la croix brisée étant brisée à un quart, cela crée une voie de sortie évidente par laquelle tu pourrais partir. Mais c'est pas évidemment ce que. Voilà, ce n'est évidemment pas ce que l'on te demande actuellement. On te demande de traverser les flammes. En les observant d'ailleurs, ces flammes, tu revois peut-être quelques flashs de Lucatoré ou autre. La ville brûlant devant toi, ou Neva, l'émissaire de fer, en train de chuter du cloître. Que fais-tu? Bien, je vais m'exécuter hein, parce que tout autre choix serait un Tu peu traverses les malaisant. flammes ou tu quittes la croix? Traverse les flammes, évidemment. Alors que tu traverses les flammes, tu réalises que ces dernières ne semblent pas t'atteindre. En fait, c'est comme si tu étais devenu immunisé à la chaleur. Et hop là, d'un seul coup, te voilà de l'autre côté. Les gens semblent marquer à la fois une espèce de pause emplie de. Comment dire? De. Enfin, il émane de cette cérémonie une espèce de d'aura prophétique absolument incroyable pour tous les orgastiques qui se trouvent ici, qui rêveraient sans doute d'être à ta place. Une fois de l'autre côté, donc, les ascètes retournent jusqu'à ton niveau et te rendent ton équipement. À ce moment-là, ils t'apposent sur les épaules un nouveau manteau, un grand manteau noir à l'effigie de ton culte, celui porté par les fureurs. Orphide reprend ensuite son discours. Bien, vous vous êtes montré digne de notre foi. Aujourd'hui est mort l'orgastique Mokoche. Elle s'est réincarnée en fureur et est digne de commencer son voyage initiatique dans les entrailles de notre foi, au sein des catacombes de la ville. Le sol se met alors à trembler et une ouverture apparaît dans la pierre juste en face de toi. Et un chemin se dessine tout naturellement. Tu pénètres à l'intérieur et suis donc un long chemin éclairé par des torches accrochées au mur à droite à gauche, et tu t'enfonces au plus profond possible sous la ville. Là-bas, tu arrives au niveau d'une grande pièce qui a été érigée, dans laquelle a été érigée, pardon, une gigantesque croix anabaptiste. De tous les côtés, tu découvres des râteliers d'armes sur lesquels sont entreposés des calcinateurs et des espadons, tous différents les uns des autres. Tu penses être seul dans cette grande pièce jusqu'à ce qu'une voix retentisse derrière toi. Faites votre choix, s'exclame une vieille dame encapuchonnée au teint blanc. Les espadons infernaux que vous voyez ici ont la particularité d'asperger de pétrole et d'huile vos victimes lorsque vous les frappez avec. En effet, tu remarques que les espadons qui sont entreposés ici semblent être un niveau supérieur à ce que tu poses actuellement. Puisqu'il y a des genres de tuyaux qui relient le manche. Vous pouvez ensuite y mettre le feu grâce à une poignée située jusqu'au niveau du manche de l'épée. Elle se retourne alors vers les autres râteliers en face. Tu vois de nouveau quelques calcinateurs. Le calcinateur, quant à lui, est aussi encombrant que dominateur. Il fait les ravages sur le champ de bataille. Elle répète ensuite, faites votre choix. Eh bien, aussi sympathique que soit l'idée d'un lance-flamme, je pense que les épées qui s'enflamment, c'est plus le style de Mokoche. En effet, ça correspond plus à son style de combat. Elle s'est jamais vraiment exercée au tir de précision. Enfin, au tir de précision avec un lance-flamme. À ce moment-là, tu regardes certains des espadons. Tu vois, comme je le disais, qu'ils ont tous un modèle complètement différent. Certains sont plus longs, certains sont symétriques, d'autres non. Certains ont des poignées, tu vois, amovibles, exactement comme l'espadon que tu possèdes actuellement. Certains sont dotés d'une croix anabaptiste au niveau du manche, ou alors au niveau de la lame. Est-ce que tu sais si une orientation particulière en termes de design, on va dire, puisque c'est le mot qui te plairait. Puisqu'il faut vraiment imaginer qu'on est sans doute face à l'une des pierres anabaptistes les plus remplies et que des armes, il y en a de tous les modèles. Eh bien, si c'est trouvable, j'aimerais bien en avoir un qui a toujours le même genre de poignée que moi, c'est-à-dire qu'il peut se retirer et tout ça. Oui. Et pourquoi pas avec la lame dentée, parce que j'aime bien les dents. Parfait. L'âme vivable est dentelée. Tu trouves sans trop de soucis l'objet de tes désirs. Tu vois qu'il est couvert d'une espèce de vieille poussière, hein, vous êtes complètement sous la cathédrale. Tu vois que quelques rayons de lumière passent au niveau de la hauteur par quelques ouvertures. Tu sais pas vraiment où est-ce que ça donne, mais à part ça, vous êtes surtout quasiment essentiellement éclairé aux torches. Ce qui rend d'ailleurs l'atmosphère assez étouffante. À ce moment-là, tu te retournes et cette vieille dame te fait de nouveau face. Prenez ça également. Elle te tend quelque chose. Du Styx, l'huile dont vous avez été recouverte lors de la cérémonie. Lorsque vous en possédez et que vous en êtes recouverte également, vous serez protégé du démiurge. Mais attention à ne pas en abuser, elle vous consumera si jamais vous le faites. Lorsque tu ressors des catacombes après avoir récupéré tout ce dont il te fallait, je précise aussi qu'elle t'a donné quelques barils de pétrole. Enfin, pas des barils, pardon, plutôt des bidons. Qui serviront à alimenter ta lame et également ta moto. Ça tombe plutôt bien. Lorsque tu remontes par un escalier différent qui t'amène à une parcelle un petit peu étrange de la cathédrale que tu ne connaissais pas vraiment, tu découvres une rangée d'orgiastiques qui t'applaudissent lorsque tu traverses. Face à toi, le reste du groupe, composé notamment de Lito, qui te sert à parler de ton nouvel espadon infernal, puisque c'est leur nom, ainsi que de ton manteau qui te donne cette allure complètement inquisitrice. J'aimerais désormais, vous tous, revenir sur vos derniers jours passés à Justiciana. Puisque par souci, de praticité, afin de mieux organiser votre départ, le serveur vous a laissé quelques jours supplémentaires en ville, le temps de mettre à jour vos papiers d'identification, vos statuts, de dire au revoir à vos proches. Je vais revenir un à un sur chacun d'entre vous, Mokosh aussi, on va revenir sur toi, pour savoir, on va dire, raconter de manière un petit peu elliptique, ce qui a rythmé vos derniers jours. Nous allons pouvoir commencer par Torik, si tu le veux bien. Oui. Qu'as-tu fait ces derniers jours en ville? Disons que j'ai fait un peu le tour des gens que je devais peut-être ausculter, les dernières personnes donc je vais m'occuper pour que ce soit tout clean. Je vais Hospital. avoir une voilà et je vais avoir une petite discussion avec la petite jeune hospitalière Qui était venu te supporter, ouais. voilà qui me tenait en exemple. Du coup, je vais lui donner quelques conseils pour la suite, vu que je ne serai pas là pour elle. Je dirais que dans un premier temps, ce qui est important, c'est de rester fidèle à soi-même, quel que soit ce que l'on peut vous dire. Et ça, même l'hôpital. J'ai toujours été un peu différent à ma façon. J'ai jamais complètement suivi à la lettre le dogme d'hospitalier. Et quelque part, c'est aussi un moyen de rester en équilibre et en bien, enfin, en bon terme avec soi-même. J'ai l'impression qu'elle a un bon fond, qu'elle est un peu comme moi, elle a plein de rêves, elle a plein de choses qu'elle aimerait accomplir. Et que du coup, c'est important qu'elle soit fidèle à soi-même, enfin à elle-même plutôt. Et sinon, qu'elle se fasse des habits. Et ce, même dans les autres familles, dans les autres clans. Ça rend plus fort et puis ça ouvre l'esprit. Voilà. Qu'elle apprenne quand même bien les cours d'hôpital et qu'elle voyage un petit peu aussi. Voilà. Et sinon, une fois que j'ai fini ça, j'ai à peu près rien d'autre à faire en ville. Du coup, j'en ai fini. Alors que tu lui parles, tu vois qu'elle est... tu remarques qu'elle est relativement mal à l'aise et presque attristée, en fait, de ce que tu es en train de lui dire. Et au bout d'un moment, elle se lance, elle te fait... Déjà, pour commencer, je vous remercie de me l'avoir annoncé. Maintenant, je dois avouer que je suis relativement confuse. Si jamais vous partez, je n'aurai plus aucune utilité pour l'hôpital. Et vous savez où est-ce qu'ils envoient les femmes et lanciers qui n'ont plus leur place. Écoutez. À ce moment-là, Shelly qui du coup s'assoit un peu sur une chaise et regarde par l'une des fenêtres du hôpital au loin dans la cour des groupes de femmes et lanciers justement en train de se retrouver et de s'apprêter à partir sur le front contre les cafards. Je lui ai dit, écoutez, ne bougez pas, je reviens. Donc je quitte la pièce. Nous allons passer au joueur suivant. Non, je quitte la pièce. Je me dirige pour voir mes supérieurs. Très directement. Bien. Et t'arrives à tomber sur un chef de clinique. Ok. Écoutez-moi, il me reconnaît. Enfin, je pense qu'on me connaît un petit peu maintenant. Oui. T'as une certaine réputation. Elle s'appelle comment la petite ? Shelly. Shelly. Ouais. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je vais malheureusement quitter Justicienne pour une mission. Oui, bien sûr. On nous a prévenu de votre départ, Dr. Cole. J'aurais besoin que vous me rendiez un service, s'il vous plaît. J'ai parmi les fabulanciers qui sont encore ici au hôpital une fabulancier qui du nom de Shelly. Je trouve que elle a un véritable potentiel et je pense que ce serait dommage de l'envoyer tout de suite sur le front ou autre. Je pense qu'elle aurait beaucoup à apporter ici même. Et si vous pouviez justement peut-être la prendre sous votre aile ou la filier à quelqu'un d'autre ici même, quelqu'un qui pourrait lui apprendre un peu le métier, ce serait une grande faveur que vous me faites. Vous savez, nous sommes en guerre. Il est compliqué de trouver de la place auprès de médecins entraînés et expérimentés pour former de nouveau. Je le sais très bien, mais croyez-moi, je pense qu'elle sera vraiment d'une grande utilité ici. Elle a un énorme potentiel et je pense que ce serait dommage de l'envoyer tout de suite sur le front. Fais-moi un petit jet de charisme leadership avec un bonus équivalent à ton historique d'autorité. Donc ça te fait 5, 6, 7 dés à jeter. Alors, 5, 6, 7. Oui, et une difficulté de 3. Bah, j'ai fait 3. 3 succès. Bon, je vais voir ce que je peux faire, mais je ne vous promets rien. Écoutez, je vous remercie. Merci pour elle et vous verrez, je pense que si vous y accédez à ma requête, vous serez content de ce qu'elle va apporter ici. Y a-t-il d'autres choses que tu souhaiterais faire, donc, à part, donc tu as fini de t'occuper des patients en cours, tu t'es occupé de son cas à elle. Ouais. Là, comme ça, honnêtement, je vais peut-être une dernière fois aller me recueillir peut-être à l'endroit où on a rendu hommage une dernière fois à Abby. D'accord, très bien. En effet, comme un au revoir, tu te rends sur l'endroit en question. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'était une espèce de petite colline avec un arbre ou un rocher. C'est ça. Il y avait un... Ouais. Qui donnait vue sur la ville. C'est ça. Les autres confirmeront ou pas. Il me semble, oui. C'était il y a 3 ans, hein, déjà. Ça date, hein. Mmh. Là-dessus, nous allons pouvoir passer à Jacquard. Jacquard, de ton côté, tu t'es rendu voir le commissaire Prairel. Une dernière fois. À ce moment-là, il t'adresse... ta mission en cours, en fait, exactement ce que tu vas devoir faire. Juge Jacquard, vous allez devoir débusquer, traquer et éliminer au nom du protectorat un groupe de dissidents nommés les briseurs de marteaux. Récemment, nous avons récupéré l'un d'entre eux. Et sous quelques interrogatoires, il a révélé de précieuses informations sur les autres. Pas de souci. Tu t'es donc rendu voir le commissaire Prael, et ce dernier t'annonce que tu vas devoir traquer un gang, enfin les membres d'un ancien gang, qui se nommait les Briseurs de Marteaux. C'est un gang spécialisé dans le massacre de juges au sein du protectorat. Lorsque on a commencé à trop s'intéresser à eux, ils se sont enfuis jusqu'en Franca du Sud, et c'est à ce moment-là qu'on a perdu leurs traces. Si vous voulez, je peux vous faire une rapide description de ces derniers. Eh ben, allez-y. Les deux premiers membres que vous aurez trouvés seront Finn et Sven Stotch. Ils ont 20 et 30 ans. Ils sont Volon et son frère. Oh, un élément qui pourrait vous aider à les débusquer est le fait qu'ils aient tous les deux été marqués au front par le fer du jugement lors d'une arrestation récente. Ils se sont depuis enfuis et nous savons qu'ils ont rejoint le gang peu de temps après ça. Un autre membre important de leur groupe est Cornelia Eisenberg. Elle est plutôt âgée. On parle d'une vieille dame d'après la description que nous a été faite par le membre du gang que nous avons réussi à capturer. Elle a les cheveux grisonnants, et la dernière fois qu'on l'a vue, elle se dirigeait vers la ville de Toulon. Elle est également connue sous le surnom de l'empoisonneuse. Enfin, nous avons Kira Raihel. Elle, c'est l'ancienne chef de la bande. C'était une ancienne juge qui... Nous le savons, a été tatoué à plusieurs reprises par certains des nôtres. Les tatouages sont semi-permanents, mais il pourrait rester quelques traces au niveau de ses bras. Et enfin, le dernier d'entre eux dont on sait quoi que ce soit est Friedrich Oppen. Sans doute sera-t-il le plus compliqué à trouver. Il a la trentaine, il est roux, et il est surtout connu pour être un pro de la disparition. Il est capable de cavaler d'un pays à un autre en un temps record, et de changer d'identité aussi rapidement. La chance que nous avons actuellement, c'est qu'avec la guerre, ils sont piégés, a priori, dans le sud de la Franca. Ce sera l'occasion de les débusquer. Si vous voulez, je peux vous faire une petite note. À ce moment-là, il récupère un bout de papier, et écrit tout ce qu'il peut, les concernant. Oula. J'aimerais savoir, Jacquard, à part ça, s'il y a d'autres choses que tu aimerais faire avant de partir. Jacquard, il va, comment dire, s'enfermer tout seul dans sa, comment dire, dans sa chambre, quoi, concrètement dans sa caserne, et il va ingurgiter le maximum d'alcool possible qu'il pourra acheter avec, comment dire, son argent, parce que il est un peu pas de bourgeon, mais non non, mais comment dire, il est un peu choqué quand même que le commissaire Prael, l'homme à qui l'a repéré parmi les juges, qui l'a, comment dire, qui l'a pris sous son aile, qui l'a, comment dire, qui a été un peu son tuteur pendant, pas réellement l'homme qui, il est un peu déboussolé, et là, comment dire, il va pas très bien en ce moment, Jacquard, quoi. Très bien. J'ai retiré 20 lettres de change de ta feuille de personnage. On imagine que ça suffit pour acheter au moins 3-4 bouteilles. Et en effet, ça te fait une information dure, plutôt dure à avaler. Heureusement ou pas pour toi, autour de toi, d'autres juges, de vrais juges, passent de temps en temps dans les dortoirs. D'ailleurs, à certains moments, tu entendras une discussion et tu reconnaîtras une ou deux voix, les fameux juges qui t'avaient bousculé alors que tu n'étais qu'un estropié la dernière fois. Est-ce que sous le coup de l'alcool, tu pourrais avoir une pulsion te poussant à te lever et à marcher jusqu'à leur direction? Ou est-ce que tu restes dans ton coin avec ta bouteille? Franchement, je ne sais pas si Jacquard réussirait, mais dans l'état où il est, je pense que si jamais il devait se diriger vers eux, ce serait plus pour leur péter la gueule que pour autre chose. Alors, Très bien. Je vais te demander dans ce cas-là, on va pas faire un combat pour si peu, mais je vais te demander un symbolique jet de de body brawl. Ok. Alors, body brawl, tac, 5D. 4 réussites, dont 2 déclencheurs. En effet, complètement sous, tu diriges vers eux. Et tu leur mets d'énormes mandales en plein milieu de la caserne des chroniqueurs. Les juges. Je veux des Non, juges, pardon, oui. Oula, pardon. lapsus. Faut que je fasse gaffe avec ce genre d'erreur, il va finir par commettre un meurtre si jamais il m'entend. C'était tous des chroniqueurs depuis le début. Non, non. Tu leur mets des grosses mandales, tu d'ailleurs pendant le combat, si on peut appeler ça un combat, t'entends quelques phrases comme « On est désolé !» Jacquard partira donc de la caserne et de justicienne avec du sang séché collé sous ses bottes. Tandis que nous allons switcher sur Efflux. Efflux, j'aimerais savoir ce que tu as fait. Va faire donc de tes derniers jours en ville. Pour information, l'hôpital t'a fourni un budget de environ, c'est susceptible de changer, mais environ 1000 lettres de change par mois pour mener à bien tes opérations dans le sud de la Franca. Évidemment, cet argent, il n'est pas que pour toi, il est pour tout le groupe. Il sera imprimable à l'aide de ton nouveau brassard radio, donc il sert à la fois d'imprimante et de une espèce de mini radio. Elle n'a pas une très très longue portée, bien au contraire. Mais c'est déjà un premier système de flux statique. Pour régler le souci de portée, justement, on t'a fourni un message, donc depuis ton bracelet, donc contenu sur ton flux statique à toi, à remettre à un homme, à un certain approvisionneur shopper. À la forteresse alpine qui sera sur votre trajet pour vous rendre jusqu'en Franca. J'aimerais également savoir du coup comment est-ce que tu occupes tes derniers jours. Bien, j'ai beaucoup de choses à faire avant de partir. Très bien, dis-moi. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai été voir d'abord chacun des membres de mon atelier. La première personne que j'ai été voir, c'est Maria. Enfin, en gros, j'ai réuni tout le monde. Mais je me suis d'abord adressé à Maria. À Maria, j'en fais la matrone de l'atelier. C'est à elle, du coup, qu'elle va devoir le gérer, le faire vivre, le protéger. Et je lui demande de trouver potentiellement un chroniqueur pour le parrainer, pour officialiser le fait que bah, eux ne m'ont pas suivi. D'accord. Pour Noah, je lui demande de finir de reconstituer la machine Ansumo. Et, bon, elle a été saisie, je vous rappelle. C'est vrai. Mais s'il peut, du coup. C'est un chroniqueur, donc c'est pour lui que je m'en fais le moins, parce que je sais qu'il saura rebondir avec le serveur, parce que bah, c'est moi qui ai été mis en zéro, pas lui. Mais voilà, si jamais il arrive, moi je lui demande de finir la machine Atsumo et de pouvoir le programmer pour défendre l'atelier et ceux qui y vivront. S'il ne peut pas, je le laisse se débrouiller. Excuse-moi, tu peux juste répéter ça un tout petit peu coupé. Ouais, je disais juste que bah, malgré tout, je lui demande quand même s'il ouais. peut de s'en occuper et de programmer ça pour que ça protège les gens qui vivent dans l'atelier. Quoi. Donc, d'accord. C'était le boulot que je voulais faire, mais ça sera à lui de le terminer. C'est genre le fait qu'il soit chroniqueur m'inquiète le moins pour lui, parce que je sais qu'il sait rebondir et qu'il saura avoir quand même une carrière chez les chroniqueurs. Très bien. Pour Bambino et Casse-Gueule, c'est là où j'ai le plus de crainte, hein, puisque autant Maria et Noah ça allait, autant Bambino et Casse-Gueule, c'est un peu plus compliqué. Donc du coup, je leur ai demandé de retrouver Prael et Aidip, séparément, bien entendu, hein, pas tous en même temps. Et de leur demander de trouver des mentors, hein, sachant que je pense que c'est des clanistes, donc il y a moyen peut-être qu'ils rejoignent les juges, qu'ils rejoignent un culte quelconque. Et je fais confiance encore plus maintenant à Prael et à Aidip. Bien sûr. Je m'occupe aussi d'une autre chose qui est dans mon atelier, maintenant que j'ai dit à tout le monde ce que je voulais qu'ils fassent, c'est le 10 de Géamet. Et je le prends, tout simplement. Je vais au coffre et je le prends sur moi et je vais l'emmener en voyage pour... Parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à me séparer. Donc je le prends et à la place, en fait, je vais dans le même coffre avec la même système de sécurité, je vais y ranger mon ancienne armure, en fait, vu que j'ai changé officiellement de masque et de tenue. C'est là-dedans que je range ma tenue. Sauf un élément. Qui est mon ancien vocodeur. Ça s'entend, j'ai changé de vocodeur récemment. Oui. Du coup, cet ancien vocodeur que j'avais changé avant de savoir que j'avais changé de tenue, je vais aller le prendre et je vais tout simplement me rendre à la tombe en fait de l'enfant qui est mort à cause de j'ai oublié le nom de cet enfoiré tellement que je ne l'aime pas. De Croco. Croco, c'est bien ça. Je vais aller du coup à l'enfant sur sa tombe et j'y poserai en hommage dans l'une des soirées du coup mon vocodeur tout simplement. Ça sera ma façon de lui porter hommage. Je n'ai malheureusement pas fini. j'ai quelques petits trucs à faire. Aucun souci. Par rapport à l'atelier, je demande à Maria, surtout Maria, mais je demande en fait au groupe entier que si un jour Émeric se pointe à l'atelier, qu'il l'accueille tout simplement comme un vieil oncle, et que du coup, ils n'ont pas à se méfier de lui, c'est vraiment une connaissance que j'ai eue, et je leur demande du coup, si jamais il vient à l'atelier, de le traiter avec respect et charité. Très bien. Je vais revoir Bran et Sonia une dernière fois. Et je vais tout simplement faire mes adieux et tout simplement leur dire, tout simplement, s'ils ont un problème, de se référer après elle, hein, parce qu'officiellement c'est un juge. Donc, en tant que juge, il pourra les aider, tu vois, c'est pas. Oui. Ça sort pas de nulle part. Mais voilà, que s'il y a un problème, après elle, qui est resté fidèle jusqu'à la fin à moi, pourra les aider si vraiment ils ont des soucis, ce qui est normalement réglé. Mais voilà, je préfère leur dire pendant l'adieu. Et je fais deux dernières choses. La première, c'est que je vais rejoindre tous les... Enfin, je vais demander à un gosse, en fait, du quartier où j'habite, la crevasse, et je vais demander de, bah, pour moi, de réunir, en fait, les enfants crieurs qui sont dans le coin. Et les réunir, en fait, fait quelques lettres. Oui. Et ça, c'est absolument pas sûr, parce qu'une fois réunis, je leur transmets, je laisse se partager... l'équivalent de ce que j'avais sur moi avant de devoir partir et donc avant de, bah, que les lettres de change deviennent celles données par du coup le serveur. Du moins le protectorat, tout ça, je ne sais pas exactement qui gère tout cet argent, mais dans tous les cas, moi je fais, je donne du coup l'argent que j'ai sur moi, donc environ 250 lettres de change aux enfants. C'est ça. Et je leur demande tout simplement de bah, les utiliser pour eux. Très bien. Tu les vois qui te remercient. Et l'un d'entre eux te dit mais quel est votre nom? Flux, mais je demande à ce qu'il ne soit jamais mentionné. Nous ne vous oublierons jamais. À ce moment-là, tu vois qu'en effet, ils se les partagent et certains en pleurent presque en voyant autant d'argent. Et du coup, c'est autre chose que tu souhaites faire. Ouais, une dernière chose qui est beaucoup moins grande, c'est juste pour terminer officiellement le fait que je sois dans la ville avant de devoir partir officiellement, bien que je sais que on va avoir de l'équipement et qu'il va être obligé de, enfin ils vont dire qu'on a fait une attaque si je me souviens bien pour prétendre l'absence d'équipement qu'ils vont nous prêter. Mais malgré tout, avant ça, du moins du coup, avant que ça devienne officiel, j'aimerais me rendre une dernière fois au serveur, hein, là, parce que ça fait longtemps que je vais pas pouvoir y aller pendant un moment. Et voilà, une dernière fois au serveur, et annoncer juste officiellement mon départ, disant que je respecte la sentence, patati patata, tu vois, genre, sous les traits officiels, comme sûr. Si je... Et sous changé. Le mépris de la plupart de tes collègues, même si voilà, un chroniqueur, pardon, oula, décidément... Un chroniqueur qui méprise un autre chroniqueur va pas cracher au sol ni rien, mais c'est vrai que tu sens que l'ambiance est extrêmement compliquée, puisque la plupart des zéros en temps normal sont quasiment chassés par le reste du culte. En réalité, on imagine nous qu'il y a eu un petit peu plus de subtilité dans la manière dont ça a été fait, mais c'était quand même le rôle qui te collait le plus actuellement, donc c'est celui que je t'ai donné. Donc évidemment, tu peux... continuer de te déplacer sans te faire tirer dessus à vue, parce que sinon, bah, c'est... t'étais foutu, quoi. Bon. Oui, mais non, en fait, en gros, ils m'ont juste dit t'es exilé, mais ils te laissent quand même un instant pour préparer tes affaires à partir, quoi. Exactement. Bon, ça, en gros, c'est donc, on peut pas le prouver, mais dans le doute, on peut pas se permettre de te garder. Exactement. Officiellement, en tout cas. Et c'est ce que pensent d'ailleurs la plupart d'entre eux. Il y en a que très peu qui doivent être au courant, ils peuvent pas se permettre de... Mais c'est pour ça que je veux faire un adieu officiel. Montrant à tout le monde que ma foi au serveur est toujours là, c'est comme ça que j'aurais réagi si c'était vrai. Et parce que c'est important de dire au revoir au serveur pour moi avant de partir. Et c'est la dernière des actions que je voulais faire. Très bien. Eh bien, je vais revenir sur toi, Mokosh. Qu'as-tu fait de tes derniers jours à Justicienne? Eh bien, moi. Eh bien, deux choses, enfin peut-être qu'une, mais deux choses. Déjà, premièrement, j'ai sûrement mis pas mal de temps à me rendre compte de ce qui se passait, du fait que j'allais monter jusqu'au rang de Führer, parce que ça s'est fait de manière assez, on va dire, administrative, ce qui n'est pas très habituel chez les Anabaptistes, d'après ce que j'ai pu comprendre. Oui. Quand même censé passer par être sûr que l'anabaptiste est fidèle au culte et qu'il a la croyance et tout le tralala. Qui est le cas de Mokosh, mais il n'y a pas eu de test, quoi. Donc c'est assez particulier, et Mokosh, enfin, j'étais pas sûr, en tout cas, donc de vraiment devoir avoir ce rôle. Donc j'ai sûrement mis du temps à être dans mon coin et à y réfléchir. Et secondement, je me demandais ce qu'il était advenu de Alina, qui a priori avait eu un deal pour témoigner contre nous. Est-ce qu'elle allait en prison quand même? Si jamais tu te renseignes à son niveau, notamment peut-être auprès de l'épave, tu apprends que en effet elle a été relâchée. En fait, elle avait un deal avec vous, mais lorsque tu as traité avec Axel, elle a perdu entre guillemets ce deal parce que Axel la corneille lui a ordonné de faire ce que vous disiez, puisque tu lui avais demandé. Par la suite, du coup, vu qu'elle avait plus rien à vous offrir, Jacquard l'a fait emprisonner et elle, à ce moment-là, a négocié avec Oedipe sa libération contre un faux témoignage. Au final, tout le monde s'en est plutôt bien sorti. Donc, en effet, elle a été libérée. Parce qu'ils n'avaient pas grand-chose non plus contre elle. Hein. C'était une pille. Ok. Quoi. Et bah, si elle travaille toujours, je vais la faire travailler. D'accord. Lorsque tu te rends à l'épave, est-ce que tu décides de visiter une dernière fois Axel ? Oh, non. Je pense que la dernière fois qu'on s'est vu au tribunal, enfin au procès, c'était suffisant. Très bien. Nous allons donc reprendre à nouveau depuis Cathédrale. Avant de partir le lendemain matin et de quitter la ville à l'aube, un anabaptiste vient vous voir et vous annonce un petit choix à faire. En effet, il a plusieurs chevaux sous la main, enfin plusieurs chevaux du coup, pardon. Il a des chevaux sous la main et il a pour ordre de vous en fournir un chacun. Lito est donc évidemment avec vous. Cadeau du serveur. Chaque bête est équipée de suffisamment d'eau et de vivres pour atteindre la prochaine ville. Vous annonce-t-il. Et je vais vous demander chacun choisir un cheval. Alors je vous ai rédigé une petite description pour chacun d'entre eux. Il y a un grand cheval noir qui vous est proposé. Un autre qui est gris foncé et blanc. Il y en a également un brun qui a pour particularité, vous l'annonce l'anabaptiste, d'être complètement sourd. Il y en a un qui est blanc, plutôt de taille moyenne, avec une tache noire sur le museau. Toi, Mokol, j'imagine que tu ne choisiras pas de monture. Non, j'ai déjà ce qu'il faut. Je vais choisir le blanc. Très bien. Je prends le gris. Et bah, Jacker, comme il est en gueule de bois complète et complètement dans les vapes, il va prendre le dernier qui reste. Le sourd, si j'ai bien compris. Ouais, il en restait deux, mais en effet, le sourd est l'un d'entre eux. Il est aussi sourd que toi, donc c'est parfait. Le dernier, donc récupéré par Lito. À ce moment-là, vous commencez à quitter Cathédrale par la route du sud. Il vous faudra repasser par la Borca afin de rejoindre la forteresse alpine au sud. En fait, depuis qu'il y a eu la guerre avec les clans, les routes principales sont complètement impraticables à l'intérieur de la Borca. En fait, ça serait du suicide complet que de les emprunter. Vous allez donc devoir récupérer le nord de la Franca. Et en fait, faire comme ça un petit crochet par la Franca pour ensuite retourner en Borca. Puisque le nord de la Franca, c'est également du suicide que de le traverser encore plus, sans doute. Pour ensuite réatterrir depuis les Alpes, depuis la forteresse alpine, directement en Franca. Le chemin peut peut-être paraître un petit peu compliqué, dit comme ça. Si vous voulez, je peux vous envoyer une petite carte. Peut-être que ça peut vous aider à vous situer. Ouais, ouais, carrément. Entre Cathédrale et la ville de Bacham, qui est votre prochaine destination, vous avez la frontière entre le nord de la Franca et la Borca. Ça va être donc la route qui relie les deux, c'est celle que vous allez devoir entreprendre, et ensuite vous devrez partir par le sud pour rejoindre la forteresse alpine qui se trouve tout en bas de la carte. Tout le nord de la Franca, qui se trouve donc à l'ouest pour l'instant, est absolument impraticable. Vraiment, ce serait un suicide pur et dur que d'y aller. Tout comme la raison des clans, la zone des clans, pardon, qui se trouve plus à l'est, vous pouvez l'avoir également noté. C'est un endroit qui est hyper compliqué. Donc en fait, vous êtes obligé de faire ce petit crochet par le nord de la Franca pour vous déplacer. Ça, c'est la planification que vous avez faite. Ainsi, sur le trajet, tandis que défilent les ruines de l'ancien temps, vous allez croiser bon nombre d'anabaptistes en pèlerinage qui passent justement d'une ville à l'autre, qui se rendent à la cathédrale. Vous allez également croiser des marchands qui apportent, eux, leurs produits de Franca jusqu'au protectorat pour les y revendre plus cher. Et parfois même, vous allez dépasser des détachements d'hospitaliers qui sont en train de camper sur le bord de la route, puisqu'il est encore relativement tôt, et qui sont en train de petit à petit relever le camp. À ce moment-là, D'ailleurs, j'avais complètement oublié d'en parler. Désolé, mea culpa. Tu as, Mokosh, ton sidecar. Maria devait l'annoncer à Flux juste avant, mais j'ai complètement zappé. Donc pour l'instant, il n'y a personne dedans, parce que vous avez tous un cheval, mais voilà, bon, il y a une place dans le sidecar. Voilà, vous allez traverser comme ça déjà pendant environ 8 heures, jusqu'à vous rendre au niveau de la frontière. Vous êtes donc au niveau de la frontière nord de la Franca, donc ça vous a pris environ voilà, une demi-journée à peu près. Et même si, lorsque vous pénétrez sur le territoire francéen, vous avez l'habitude d'en entendre la réputation, en tout cas que c'est une zone qui a été complètement terraformée par les Homo de Genesis, ce qui est le cas du coup en Franca, il n'en est évidemment encore rien pour les paysages que vous parcourez pour l'instant. En tout cas, jusqu'à votre trajet, jusqu'à Bacham. Une fois arrivé en Franca, vous croisez de nouveau des ruines, au loin éparpillées sur le côté des routes. Vous croisez quelques-uns, très peu, mais quelques-uns également, des villages. Pas mal d'anabaptistes se trouvent au niveau du nord, surtout des ascètes qui sont en train de cultiver des espèces de champs, avec de temps en temps une ou deux vieilles églises à moitié en ruine sur lesquelles on a érigé nos croix anabaptistes. En symbole de foi. Puisque, en fait, en réalité, c'est pas indiqué sur la carte que je vous envoie ici, mais c'est indiqué sur l'autre carte qui se trouve dans le channel de la Borka, il me semble. Je ne sais plus. Vous vous trouvez actuellement en plein cœur du territoire anabaptiste. Vous rejoignez la grande cité sur les coups de 18h. La cité de Bashan, donc. Vous êtes quand même épuisé par tout ce trajet, mais vous êtes quand même bien heureux de ne pas l'avoir fait à pied. Il faut imaginer que ce trajet complet vous aura pris environ une journée pour passer donc de cathédrale à la cité de Bacham. C'est également cette ville, pour vous la décrire rapidement, c'est le genre de ville complètement anabaptiste, presque à l'image de cathédrale, en tout cas en termes d'aura. Ce que vous en savez, c'est que c'est une ville qui est partagée entre les anabaptistes et les spitaliers. Puisque l'un des 8 dirigeants du culte se trouve également à l'intérieur de cette ville, la dirige. Donc pour rappel, il y avait Altaïr en Purgaré, Alucatoré, Feu Altaïr. Vous avez croisé un peu plus tôt, enfin, en tout cas hier soir, pardon, vous avez croisé également une autre anabaptiste, une autre baptiste des anabaptistes, donc ce sont les rangs supérieurs. Il s'agissait de. J'ai déjà oublié son nom. Orphide, voilà. Et ici, vous avez Amos, l'un des autres 8 dirigeants du culte. Vous savez que Bacham, c'est sans doute la plus grande ville du nord de la Franca. Le genre de ville où, l'on peut trouver de nombreuses chapelles anabaptistes, ainsi que de grands marchés d'armes, voire tavernes et auberges. Autour de la ville, vous apercevez d'autres ascètes également en train de cultiver ou de ramener des récoltes jusqu'à l'intérieur, tandis que les spitaliers, eux, les contrôlent. Par contre, plus aucune trace du moindre chroniqueur ou juge. Vous êtes les seuls Jacquard et Afflux. Tout ce petit beau monde qui est en train de s'activer se fait sous le regard assez reconnaissant des clanistes franquéens qui, eux, participent à la vie commune presque, on va dire, en osmose avec ces derniers. Lorsque vous vous trouvez au niveau de l'entrée, vous êtes contrôlé par un groupe d'hospitaliers malgré ta présence, Toric. Et vous remarquez que la plupart des habitants qui se trouvent autour de vous parlent un langage qui vous est relativement inconnu. En tout cas, pour la plupart d'entre vous, puisque toi, Efflux, tu es originaire de Franca. Donc, pour la plupart d'entre vous, les dialogues qui sont autour de vous vous paraissent assez étonnants. Vous avez un petit peu du mal à comprendre, même si la proximité avec la frontière borkéenne fait que il y a une espèce de mélange entre les deux langues. C'est surtout même presque une question d'accent. Et en fait, assez rapidement, vous commencez à reconnaître quelques mots, mais vous sentez que vous allez devoir vous habituer à cette langue que vous ne parlez pas complètement. Si vous voulez que l'on garde vos montures, vous allez devoir signer le registre là-bas. 5 lettres de change par cheval et par nuit, vous annonce l'un des spitaliers. Est-ce que vous acceptez sa proposition ou est-ce que vous souhaitez Oui. vous occuper vous-même de vos montures? Non, on paye. Très bien. Du coup, alors que vous rentrez dans la ville, vous faites face un petit peu à la fin du marché en cours. Les gens sont en train de ranger leurs étables, pardon. D'autres continuent de vendre à 2-3 personnes qui passent ici et là. Vous avez Lito qui, lui, s'arrête au niveau d'une place et achète une carte de la ville. Il la regarde, et c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Il était plutôt... Lui qui était plutôt silencieux durant tout le trajet, presque professionnel, on pourrait dire, dans son rôle de fureur, esquisse cette fois-ci un sourire, et même presque une espèce de petit rire. Et il vous dit... L'on ne m'avait donc pas menti quant à l'architecture atypique de ce lieu. À ce moment-là, il retourne la carte jusqu'à votre direction et tend 40 lettres de change à la personne qui l'a dessinée. Sur la carte qui est disponible dans l'aide de jeu, vous remarquez que la haute place de la ville, là où se trouve la citadelle, est en réalité construite à l'effigie de la croix brisée Anabaptiste. J'aimerais savoir... qu'est-ce que vous allez faire une fois sur place? Vous venez de traverser quasiment une journée entière, à cheval et à moto. Je pense qu'on va peut-être un petit peu se reposer, ou aller se restaurer peut-être, si les autres veulent bien, ou... et puis après faire un peu le tour de la cité. J'avoue que j'y ai jamais mis les pieds, donc pour moi c'est vraiment l'inconnu total. Je suis plutôt d'accord. Vaut mieux se reposer d'abord. On verra ensuite. Très bien. Vous choisissez donc d'esquiver, j'imagine, le marché, ou alors est-ce que vous souhaitez d'y acheter des armes ou autre, peut-être y faire quelques emplettes? En prévision de votre futur voyage, puisque vous vous rappelez, vous n'avez plus la nourriture pour une journée. C'est que de la nourriture qui nous ont passé. De la nourriture et de l'eau. Mais pour une journée. Vous avez parlé de nous donner quand même de l'équipement et qui devait dire qu'on les avait attaqués. Me semble pas. Non, on avait parlé du fait que toi, tu avais un nouvel équipement. Puisque tu étais censé l'avoir volé au serveur, mais pas... Ouais, d'accord. Okay. Pas, enfin, voilà, à moins que vous... Enfin, on n'a pas parlé, par exemple, de voler des gourdes ou des trucs comme ça. Après, tu bénéficies de 1000 lettres de change par mois pour financer l'expédition. Bah après, je pense que là, dans l'immédiat, ce serait vraiment de se reposer un peu. Et une fois qu'on serait reposé, on pourrait aller regarder un petit peu tout ça, quoi. Je suis d'accord. Vous regardez donc que sur la carte tenue par Lito, et vous voyez qu'il vous indique justement l'un des quartiers qui semble être celui où vous allez pouvoir trouver toutes les auberges, les tavernes, etc. Le meilleur endroit où trouver un endroit où dormir. Vous traversez la ville, vous croisez nombre d'anabaptistes et d'hospitaliers, comme je le disais, eux en train de vaquer à leurs occupations, de quitter leur poste pour justement aller boire un coup. La plupart des gens vont à peu près dans la même direction que vous. Jusqu'à ce que d'un seul coup, vous entendiez le bruit d'une pierre qui s'éclate contre une vitre au niveau d'un bâtiment juste à côté de vous. À ce moment-là, vous voyez, en tout cas toi tu remarques, Tori, que la personne qui vient de jeter la pierre, une espèce d'orgastique blond, hurler « Mort au traître !» et partir en courant, suivi de quelques autres personnes. À ce moment-là, tandis que les vandales partent en courant, des vandales âgés de 20-30 ans, tu vois des silhouettes à l'intérieur du bâtiment, une espèce de distillerie slash auberge, tu sais pas trop, s'approcher de la vitre complètement brisée et ramasser les trucs qui sont tombés par terre. Et l'une d'entre elles regarde dans ta direction, Torik, et te regarde fixement. Alors qu'il y a quand même toute une certaine foule autour de vous, surtout qu'elle commence à se rassembler pour voir ce qui vient de se passer. Que faites-vous? Elle regarde dans ma direction et quoi? Oui. Elle regarde juste dans ta direction, elle semble te dévisager. Tu la vois pas très très bien non plus. Bah, instinctivement, je vais vouloir justement faire le point et essayer de voir qui c'est. Peut-être que je le connais ou que je la connais, cette personne, je sais pas. Tu t'approches de quelques mètres et en effet, tu connais cette personne. Une jeune femme avec une allure un peu étrange, enfin un peu étrange, comment dire. Le genre d'allure des personnes qui viennent pas d'ici. Elle te regarde quelques secondes et te fait « Torik, c'est bien vous ?» Oui, c'est moi. Vous vous rappelez de moi ? Dana, je vous avais hébergé pendant quelques semaines à Lucatore. Il y a presque un an maintenant. C'est à l'auberge, c'est ça ? Non, vous étiez logé à la chambre des émissaires. Oui, c'est ça, oui, vous vous occupiez de nous. Et en effet, oui, tandis que tu la regardes, son visage te revient en tête, et tu reconnais nettement la Dana qui vous avait logé. Effectivement. Alors, pour l'instant, vous parlez, mais vous êtes... comment dire, coupé par une espèce de vitre à moitié brisée. Est-ce que tu te sens l'envie de rentrer ou... Mais que se passe-t-il? Juste pourquoi ces gens viennent de jeter ça sur votre... À ce moment-là, tu vois qu'elle regarde à droite à gauche, elle voit qu'il y a du monde autour de toi, notamment du coup Mokoj, Flux et Jacquard, elle vous reconnaît tous, elle vous sourit, et elle se décale de quelques mètres pour vous ouvrir la porte. Oh bah, je rentre. Vous rentrez tous à l'intérieur. Vous vous rappelez de mes cousins, peut-être? Oui. Gaspard et Morvin, tu vois qu'elle te les pointe du doigt. Oui, en effet, je ne sais pas si vous vous rappelez bien, c'était il y a longtemps, mais vous les avez surpris une fois, justement, à l'intérieur de la maison des émissaires, en train de boire, justement, tous les trois ensemble. Si, ouais, des souvenirs de ça. Bon alors, racontez-nous, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on vous jette des cailloux Non, ça, laissez tomber, rien, c'est juste un gang d'orgastiques qui sévit en ville. Disons qu'ils n'apprécient pas trop... Enfin, attendez, asseyez-vous, je vais vous servir quelque chose. Ok. Elle voulait nous asseoir au niveau d'une espèce de grande table, et en effet, vous voyez que vous vous trouvez dans ce qui semble être une auberge collée à une distillerie. C'est bien, ça. Eh bien, dis donc, vous avez changé depuis le temps. Elle voit à ce moment-là qu'il manque un bras et une jambe à Jacquard, qui ont été remplacés par des prothèses mécaniques. Mokoj arbore désormais son meilleur manteau noir au symbole anabaptiste. Et Flux, elle ne devine sans doute sa présence que par la complémentarité du groupe, mais... Eh bien oui... De l'eau a coulé sous les ponts, et il est vrai que nous avons connu de plus ou moins bonnes périodes, mais que ça nous a foncièrement changé, à commencer par le Catoré. Après la destruction de la ville, il n'était pas question de rester là-bas, alors nous sommes repartis en territoire anabaptiste. On a réuni toutes les économies qu'on pouvait, on a travaillé dur et nous voilà. Le savoir-faire purgant a un certain charme auprès des personnes habitant ici, ça leur rappelle le pays, en tout cas pour certains. Malheureusement, comme vous avez pu le constater, d'autres nous considèrent comme des traîtres ayant abandonné la ville à gueule à Lombardie et au Clanis. Alors, du coup... vous n'êtes pas allé en prison, vous ? Voilà. Elle reste sans voix. Oui. Mais du coup, je... Enfin, ça, c'est plus pour le MJ, mais... maintenant que Mokoj a sa tenue de fureur... Oui. Enfin, ici, elle doit être quand même pas mal... Enfin, on doit la regarder différemment. En effet, les fureurs, alors même si ici... Il y en a d'autres, hein, évidemment, il y en a même beaucoup d'autres. Ça reste quand même une énorme minorité par rapport aux anabaptistes. très peu d'anabaptistes atteignent ce rang une fois dans leur vie. Ouais, ouais. Donc oui, être fureur, c'est clairement quelque chose. Si Mokosh rentre dans une auberge, découvre une table d'orgastique et leur demande de sortir pour leur laisser la place, ils vont le faire. Même s'ils ne la connaissent pas. D'accord, ok. Okay. Elle pourrait même, tu sais, les réquisitionner, enfin les mobiliser, je crois que c'est ça le terme, pour les personnes sous prétexte d'une mission anabaptiste et leur demander de la suivre, tuer, enfin affronter par exemple un groupe de bandits qui sévirait dans la région, tu vois, ils le feraient. D'accord, ok. Je comprends mieux. Donc du coup, ça va pour vous ici, vous... Oh, on n'a pas à se plaindre, hein, dit l'un de ses cousins. Et puis, on y boit bien. Malheureusement, non, mais ça va leur passer. Je pense qu'ils font ça à tous les nouveaux qui arrivent. Ah, j'en suis pas sûr, hein. Ça fait quand même quelques mois qu'on est arrivé ici, qu'on s'est installé. Et ils semblent toujours nous avoir pris en grippe. Vous voyez qu'ils sont en train de débattre un petit peu pendant que tu leur parles. Et sinon, une question, on aura probablement besoin d'acheter du matériel de bonne qualité, à savoir si vous sauriez nous conseiller sur un endroit où aller, ou peut-être un endroit où on pourrait avoir des prix plutôt sympathiques. Il y a un bazar au sud de la place où vous pourrez y trouver des choses pas trop trop chères. Vous savez, de ce qu'on a compris, Amos tient la ville, comment dire, vraiment en poupe. Les gens l'admirent et il permet ce genre de don à la société en baissant les coûts sur certaines taxes. Et, ok. Si jamais vous nous suivez, on vous emmènera. Ok, c'est très bien. Ça fait plaisir de voir que vous allez bien. Ouais. On pensait pas vous revoir, décidément. C'est quand même une coïncidence assez folle. On n'avait vu personne de Lucatoré depuis qu'on est parti. Ils sont soit morts, soit je ne sais où. C'est comme ça. La vie qui va... La mort. La mort. Et qu'est-ce que vous devenez, vous ? À ce moment-là, lorsque vous êtes tous réunis à table, sauf si certains ont décidé de rester debout, l'un d'entre eux commence à sortir un saucisson et à en couper des tranches qui disposent au centre de la table pour que tout le monde puisse piocher. Alors, c'est fini, ça. Tu peux plus faire ça, maintenant. Faut que je trouve le système de mon nouveau masque pour manger. J'ai pas encore terminé. Une moulinette. Bah, disons qu'en ce moment, on est toujours en vadrouille. Nous devons essayer de faire en sorte que les choses s'arrangent par là où nous passons. À ce moment-là, Mokosh, Lito, lui, se retourne vers toi et t'adresse quelques mots un peu bas pour pas que tout le monde puisse entendre, même si certains pourraient éventuellement laisser échapper quelques termes. Cet endroit manque cruellement de discipline. Des orgastiques qui montent un gang et s'en prennent à d'honnêtes commerçants en pleine journée. Notre religion n'est décidément plus qu'elle était. Puis moi, j'acquiesce de la tête sans dire quelque chose de plus. Très bien. À ce moment-là, il plante un couteau dans un morceau de saucisson et puis la porte au niveau de sa bouche. Doucement, hein, je précise. Il fait pas ça comme un malade. Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes donc là en train de discuter avec tout ce beau monde. Est-ce qu'il y a des choses en particulier que vous souhaiteriez faire, ou est-ce que vous laissez simplement défiler le temps ? Si jamais pareil, il y a des sujets que vous souhaiteriez aborder autres que les bons plans à récupérer en ville, n'hésitez pas. Bien. Je dois avouer que du coup, sous l'impulsion un peu de mon saint mentor, j'aimerais bien poser des questions sur ce fameux gang et savoir si on sait par où il traîne exactement. Où est-ce qu'il traîne exactement? On n'en sait rien. Après, on sait comment il s'appelle. Le gang du soleil éclairé, qu'ils disent. Vous repasserez pour l'originalité. Oui. C'est, je sais pas comment dire, des espèces de petits rebelles qui se croient tout permis parce qu'ils sont mieux gradés que les autres. Bref, des orgastiques et des quelques ascètes aussi, paraît-il. Peut-être que si vous questionnez les gens dans la rue, ils vous guideront jusqu'à eux. Il paraît qu'ils ont une certaine notoriété en ville. D'accord, merci. Bah, j'ai rien à rajouter, moi, personnellement. J'avoue que si jamais vous avez prévu de leur passer un mauvais moment, histoire de leur montrer ce que c'est que de s'en prendre à des frères, nous vous en serions reconnaissants. Je sais pas trop ce qu'on pourrait vous offrir, mais quelques bouteilles... C'est toujours bon à prendre. Il réagit au quart de tour et il fait « Ils sont où ?» Bah, on sait pas comment on vous dit, mais demandez aux gens dans la rue. Ils trouveront sûrement. Là-dessus, vous voyez que Dana, elle, est en train d'essayer de rafistoler la vitre brisée en plaçant quelques planches, quelques clous avec son marteau. Vous passez donc la soirée à manger ou est-ce que vous souhaitez faire autre chose? N'hésitez pas. Du coup, si on peut aller faire un tour au marché justement pour voir pour le matos ou alors parce que on reste la nuit ici, on repart le lendemain, c'est ça? Ça se passe comment? Je vous laisse en débattre. Makosh et Flux, Jacquard. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste là pour la nuit et on partira demain matin? Demain matin, ça me va. Tant qu'on temporise pas trop, je pense que ça me va. Ok, alors du coup... je veux dire Tori, non, c'est moi. le coach. Oui, je pense que repartir le lendemain serait bien. Après, je pense que moi, Lito et peut-être Jacquard, et vous tous, vous êtes invités aussi. On va peut-être aller donner une petite visite à des compatriotes à moi. Tout à fait d'accord. Et je propose que je suis complètement opposé à ce qu'on parte dès demain matin si on ne règle pas ce problème dès ce soir. Ou extrêmement rapidement dans la matinée. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire une petite virée en ville, qu'on interroge quelques gens et puis qu'on aille trouver ces soi-disant, je sais plus quoi, fils du soleil, mon cul, là. Et puis qu'on aille leur monter les bretelles. Soit, ce sera le moyen de vous dérouiller un petit peu. Ça te va? Parfait. En attendant, nous allons vous préparer quelques chambres à l'étage. Malheureusement, on n'a plus vraiment de clients en ce moment à cause de ces misérables. Je sais pas comment on aurait fait sans la vente du vin. Eh ben, sachez que vous êtes assez chanceux de croiser la route de Makosh une seconde fois. En effet, merci beaucoup. La lame chevaleresque en ce moment. Mais du coup, j'imagine qu'on va sortir et puis que vous allez. Enfin, après, moi, je vous laisse plus faire parce que c'est un peu votre bled. Enfin, le bled de. Vous êtes un peu chez vous. Et moi je me mettrai un peu plus en retrait, ou s'il y a des hospitaliers de temps en temps, peut-être que je questionnerai un petit peu les hospitaliers sur la situation ici et comment ça se passe. Voilà. Juste, j'ai une petite question. Oui. Parce que du coup, la carte est pas très claire. Basham, ça fait partie du protectorat ou pas? Alors non, vous avez quitté le protectorat, mais vous êtes en territoire anabaptiste. Ça veut dire que les juges ici, entre guillemets, n'existent pas. Les juges ne font pas la loi en ville, ce sont les orgastiques, même si certains décident de faire partie de gangs. Malgré tout, tu restes un juge et... il y a des juges itinérants qui rendent la justice à peu près n'importe où dans le monde, sauf peut-être en territoire africain. Si jamais tu fais quelque chose au nom du codex, les gens sauront ce que tu représentes. Et sauf si vraiment t'en abuses en public, il n'y a pas de raison, entre guillemets, qu'ils t'envoient. En gros, si jamais tu chopes un assassin et que tu l'exécutes sur la place publique, personne ne te le reprochera. Ok, très bien. Bon, et donc, on sort dehors et on commence un peu à choper des gens pour la trouver, là, la bande. Très bien. Je vais dans ce cas-là vous demander un jet. J'ai l'impression que c'est le premier jet de la soirée. Oui. Non, le deuxième, peut-être. Enfin, je sais pas pour les autres. Hein. Ah oui, moi, oui, en tout cas. Ouais. Je vais vous demander un jet d'instinct orientation. C'est peut-être pas le bon terme, mais bon, on va tenter avec ça. Instinct... Orientation. Oh mon dieu. C'est quoi c'est orientering. Ouais. Oui, orientering. Suffit de victoire. Je préfère victoire à succès, ça fait beaucoup plus puissant, tu vois. deux succès pour moi. Ok. Le seul truc, c'est par rapport au Styx, je voulais t'expliquer ce que je t'en ai parlé, mais seulement de manière roleplay, je passe juste deux secondes de manière terre-à-terre dessus. En gros, lorsque tu t'enduis à d'huile élyséenne du Styx, ça va te protéger, en fait, d'une manière assez inexplicable, c'est comme presque si l'objet avait des propriétés magiques, c'est comme si ça symbolisait ta foi. Surtout que celle qu'on t'a donnée est extrêmement puissante, elle est ce qu'on dit communément de niveau 4, ce qui fait lorsque tu combats, ça va réduire de 4 les dommages que tu vas subir. Donc c'est presque comme une super armure que tu posséderais. Puis, 30 minutes plus tard, après t'en être induit, tu vas subir 4 traumatismes automatiquement. Je sais pas si vous voyez l'idée, du coup c'est une espèce d'armure, mais qui à la fin, t'as un contre-coup assez violent qui arrive. Ok, en effet, en fouillant un petit peu et en interrogeant les gens autour de la ville, notamment, je l'ai même pas dit, mais t'aurais pu avoir un bonus normalement, Mokosh, vu que tu es fureur, donc les gens vont naturellement vachement plus s'adresser à toi. Le gang du soleil éclairé, il traîne souvent sur la grande place là-bas, et à ce moment-là, l'anabaptiste vous pointe du doigt une espèce de grande fontaine au loin où se rassemblent des gens et. Avec à côté un peu de verdure, et avec même des espèces de mannequins d'entraînement sur lesquels tapent des enfants avec des bouts de bois. Oui, oui. Alors que vous vous rapprochez de la place, plus maintenant. Vous ouais. tombez sur plusieurs citoyens, des clanistes qui bougent, qui se déplacent à l'intérieur de la ville. Comme je disais, des groupes d'enfants qui jouent sous le regard un petit peu interrogateur de leurs parents. Et également, plusieurs orgastiques en train de discuter. Vous les voyez, ils sont assis dans des poses un peu rebelles sur le bord de la fontaine en train de tremper leurs doigts dans l'eau ou avec des mouvements de tête qui défient du regard les passants. Ils sont 3-4, ils sont 4, pardon. Et vous les reconnaissez assez nettement sur un point, c'est que la forme des tatouages qu'ils ont sur le front représente des soleils. Est-ce que... Alors, je n'étais pas tout à fait... devant quand c'est arrivé, mais est-ce qu'on peut reconnaître celui qui a lancé le pavé dans la vitre? Toric, plus ceux qui auront potentiellement été attentifs à ce moment-là, en effet, vous le reconnaissez. Il y en a un d'entre eux qui prône fièrement, appuyé sur son épée, qu'il a placé entre ses jambes. Il a une espèce de petite chevelure blonde, il doit avoir un peu plus de la vingtaine, il a une mâchoire assez carrée. Et il est également assez imposant en termes de stature, il doit faire quasiment 1m80 et un bon 80-90 kg peut-être. Il a une espèce d'épi de blé, vous savez, qui coince entre sa lèvre inférieure et supérieure et qui déplace de gauche à droite tandis qu'il parle avec les autres. Bah, du coup, je montre... Pour l'instant, ils font pas attention à vous. Je montre, du coup, pas forcément du doigt, mais de façon un peu discrète, pour ceux qui ne sauraient pas qui c'est, quelle personne c'est, alors. Tu leur fais signe pour les pointer au loin, tandis que vous, vous les entendez rigoler, vous savez pas trop de quoi ils parlent, mais ça a l'air vraiment extrêmement drôle, parce qu'ils rigolent vraiment, vraiment très fort. Eh ben, on y va, je pense, non ? On se rapproche ? Enfin, j'imagine que c'est le deal. Oui, oui, on va s'approcher, et on va imposer notre présence. D'accord. Vous vous approchez, en effet, d'un pas sûr, et à ce moment-là, certains d'entre eux commencent à s'écarter vers vous, et lorsqu'ils constatent que vous vous apprêtez à leur parler, qu'est-ce que vous voulez ? Eh, hey, salut les jeunes ! Oh merde ! La police ! Un juge aussi loin du protectorat ? Tu t'es paumé ou quoi ? Ouais, non, j'ai un sens de l'orientation qui est pourri. Je vous ai vu tout à l'heure, là. Ah, c'était un chouette lancer, ce que t'as fait. Enfin, j'imagine que c'est celui qui a l'épée, là, qui parle. Ouais, en effet, oui. Les autres semblent se taire. Il y a une fille également, et les deux autres semblent se taire également, tandis que vous discutez. Je te remercie. Mais j'imagine que c'est pas pour me féliciter que t'es venu me voir avec tes petits copains. Non, pas tout à fait. Il tient plutôt son épée de... Enfin, il tient son épée à deux mains, ou il tient... En fait, il la tient pas, tu sais, il l'a placée entre ses jambes, et en fait, il a ses bras accoudés au niveau du manche. Je sais pas si tu vois l'idée, en fait. En gros, il l'utilise presque comme un bâton d'appui, en fait. Mais... On est d'accord que c'est un orgastique. Oui, c'est un orgastique, ouais. Donc en gros, là, quand il dit toi et tes petits copains, il a bien conscience que dans le groupe, il y a quand même deux fureurs. En effet. Même si pour l'instant, ils sont un peu restés en retrait, c'est sans doute pour ça qu'il se le permet. Du coup, bah, je vais commencer un petit peu à parler. D'ailleurs, vous voyez, je précise aussi que Lito semble volontairement rester en retrait. Écoute, je suis pas d'ici, hein, clairement. Vous devez le savoir. Par contre, s'il y a une chose que j'apprécie pas trop personnellement, c'est que on s'amuse, ou si on peut dire ce mot-là, mais on fasse ce genre de choses, tu veux, sur les gens. Je pense que ce sont des choses qui ne se font pas. À cause des gens comme moi, on a perdu la purgarie. Je pense qu'une ou deux pierres, ça fera pas vraiment la différence, tu crois pas ? Écoute, t'es un petit peu jeune, t'as 20 piges, allez, à tout péter. T'as rien connu de tout ça ? T'aurais peut-être pris tes jambes à ton cou et tu te serais barré pendant les combats. Dit-il, non mais j'y crois pas. À ce moment-là, tu vois qu'il commence à se redresser. C'est... Ok, je me stoppe avec mon arme mécanique. D'avoir à peine 1 ou 2 ans de plus que moi, alors essaye pas de... Ouais. Je le chope avec mon bras mécanique et j'essaie de... Enfin, au cou. Là, très clairement, j'essaie de le couper la queue. Du coup, maintenant, j'essaie de mettre avant. Attends, Jacques. On va se calmer. On va déjà essayer de lui faire entendre des choses. Je demande à ce que ça se joue au dé. C'est ça, garde ton chien en laisse. Ok, donc si jamais t'insistes, en effet, on va peut-être faire un petit jet d'opposition. Allez. Le chien en laisse, de toute manière, il serait pas passé. Là, il y aurait tout le monde qui serait mis en cercle autour de lui pour le tabasser au sol. Faites-moi chacun un jet de body, on va dire force, pour entre guillemets force. C'est le passage. Body force, tu m'as dit ? Ouais. Je précise du coup pendant ce temps-là que les gens autour de la place ont commencé à s'arrêter. Certains, tu sais, font mine de continuer de marcher, mais on ralentisse le pas et regardent nettement dans votre direction. Mmh. Tandis que les autres, eux, ont commencé à porter leurs mains au niveau de leur ceinture. Ils s'apprêtent pas à dégainer des lames, mais potentiellement récupérer une pierre ou deux. Et échangent quelques termes en francais que vous ne comprenez pas, sauf toi et Flux. J'imagine que tu voudrais que je t'en fasse la traduction. Tout à fait. L'un d'entre eux dit à la nana, tu veux que j'aille chercher les autres? Et tu vois qu'elle lui fait une espèce de petit signe de tête, tu sais pas trop ce que ça veut dire. Je lui réponds en franquien. Okay. C'est bien ça, c'est franquien quand c'est le langage. Franquien, ouais. Ok. Franquien. Non, je lui réponds en franquien. Vous avez pas besoin de vous déplacer. À ce moment-là, elle voit qu'elle regarde surprise. Juste à ce moment-là, le bras de Jakar bouscule Tori qui peut absolument pas faire face contre un bras armé de Hamsumo et chope à la gorge leur chef qui lui du coup lève tu sais la tête par réflexe et te défie du regard, tu sais il est en très mauvaise posture mais il semble pas vraiment perdre la face et au contraire prend vraiment ça comme une espèce de putain de défi Bon bah, dès que je l'attrape et que je l'ai bien en main, je fais « Écoute-moi, petite merde, toi t'étais pas là, Lucas Tori. Moi j'ai vu ce qu'a fait cette vie, moi j'ai vu ce qui s'est passé là-bas, et je peux t'assurer que c'était pas marrant. Alors tu vas te arrêter tout de suite d'emmerder cette petite famine, parce que moi, je vais te faire comprendre un truc, elle est sous ma protection. Alors t'arrêtes de me faire chier ou je te promets, je vais te triper, je vais me servir de tes boyaux, je vais en faire des saucisses et je vais étrangler tes potes avec, ok ?» Oh. Tu vas me faire un jet de psyché-domination avec un bonus de 2D pour le roleplay. Je dirais même de 3D. Pour le bras. Waouh. 5 réussites, un déclencheur. Tu vois qu'à ce moment-là, il y a un espèce de grand blanc qui s'est installé. Si tu commences à le relâcher, tu vois qu'il apporte sa main à son cou, tu vois. Tu vois que tu lui as fait mal. C'est bon, je suis désolé. Bon, allez-y les gars, on se tire. Et à ce moment-là, tu vois qu'il s'en va. On reviendra ici. Et s'il y a une des quoi que ce soit à cette famille, je t'en tiendrai pour responsable. Est-ce que c'est clair? À ce moment-là, il se retourne et il hoche la tête. Tu vois qu'en fait, plus que le côté vraiment opposition, on va dire violence, que t'as, sur laquelle tu as clairement emporté, tu l'as également presque touché en fait. C'est un peu étrange dit comme ça, mais en fait, ton discours était finalement assez violent et empli d'émotions, et malgré tout, le gars semblait pas complètement stupide non plus, et tu l'as peut-être fait réaliser en effet qu'il jouait sur un terrain qu'il ne connaissait pas du tout, en fait, il pouvait pas comprendre si c'était presque un jeu, alors qu'en fait derrière il y avait de vraies souffrances et de vraies personnes qui avaient connu quelque chose que, comme tu le dis, lui il peut même pas imaginer, hein. Lui, vu son accent franquin, il semble originaire de la ville, mais il parle plutôt bien borkéen aussi, donc sans doute qu'il a toujours vécu ici et qu'il a toujours vu le passage entre la borka et la franca, donc les marchands, les gens en pèlerinage, etc. Donc c'est clairement un enfant de la ville. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite faire quoi que ce soit? Tandis que eux sont en train de partir les uns après les autres. J'ai juste toisé jusqu'au bout la personne qui avait parlé en mode je vais chercher les autres, juste pour voir qu'elle a bien suivi son petit chien de maître. Et en effet, celui qui avait dit va chercher, est-ce que je vais chercher les autres, suit tranquillement l'autre derrière. Tu vois, n'empêche que la nana qui avait parlé en franquin également, avec qui donc tu avais presque conversé, et la dernière à s'en aller, il se retourne une dernière fois pour toi et te dit du coup dans cette langue, on les laissera tranquilles, c'est promis. Puis elle s'en va. Parfait. Quand tout le monde sera parti, je dirai au groupe ce petit échange pour... Mokosh, si tu regardes... En un moment, parce que j'imagine que ça va arriver, Lito... Tu remarques qu'il semble assez content de ce qui vient de se passer, notamment de la réaction de Jakar. Comment est-ce qu'il a réussi à aller chasser par quelques sermons? Il n'exprime pas plus que ça, mais il repart tranquillement avec vous tandis que vous repartez là-bas. Il fait d'ailleurs quelques emplettes à nouveau sur les dernières étales un peu ouvertes. Il achète des trucs typiques de la ville qu'il a sans doute pas mangé depuis un bon moment. Est-ce que vous souhaitez faire autre chose avant de retourner directement à la taverne ou pas? À la taverne des Trois Cousins. La distillerie des Trois Cousins d'ailleurs. Puisque c'est avant tout une distillerie, même si elle commence à faire auberge aussi. De mon côté, non. Je ne sais pas pour mes amis, mais je suis partant pour aller me reposer quand même. On a fait beaucoup de trajets. On a humilié des petits-enfants qui étaient cons. Oui, oui, après, on peut y se reposer, mais où est-ce qu'on a le gîte, du coup, pour ça? Eh bien, justement, à la distillerie des Trois Cousins. Bah, oui, ouais. Quelque chose. Bah, écoute, ouais. Oui, on peut y retourner, et puis, dans la foulée, Jakar pourra annoncer qu'il a réglé le problème. Ouais. Que les petits branleurs vont maintenant s'occuper de leurs affaires. Très bien. Alors, vous repartez là-bas, et lorsque vous retournez au niveau des Trois Cousins, vous voyez que Dana a fini de construire sa barricade au niveau du trou, et il vous accueille à l'intérieur. En leur annonçant la bonne nouvelle, vous voyez que les cousins, eux, sont ravis. Ils ont toujours été vachement plus... comment dire, sociaux que leur cousine. Et ils en profitent donc pour parler très fort et de manière très joviale. Ah, franchement, merci beaucoup. On apprécie la vie ici, mais on va pas se mentir, ça a commencé à nous peser. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Franchement, ce soir, c'est nous qui régalons. Ouais, et on veut la meilleure bouteille de schnapps que vous avez. Avec grand plaisir, on boira ensemble. Pendant ce temps-là... L'autre dit « D'ailleurs, on a à peine eu le temps de converser la dernière fois. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous passez ici? On n'en a même pas parlé. Vous installez en ville? Vous êtes de voyage ?» On ne fait que passer... on ne fait que passer... Nous faisons une petite escale ici avant de continuer notre chemin. Et pour tout vous dire, on a eu des petits ennuis au protectorat. Ah... Me dites pas que les clans sont en train de... Non, c'est de ma faute. Vous savez, si jamais les clans venaient à faire une percée, ici, ce serait sans doute l'endroit le plus sûr où vous trouvez. Mais allez-y, continuez, chroniqueur, je vous écoute. Non, je n'avais rien de très pertinent, contrairement à ce que vous venez de dire, à ajouter. Malheureusement, j'ai bien peur que nul endroit n'est à l'abri de ces barbares assoiffés de sang. Vous, tout autant que moi, qui avez assisté à la chute de Luca Toré malgré sa citadelle, personne n'est à l'abri. Oui. Écoutez, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais cette ville a une histoire derrière elle. Et si vous voulez... Dana, tu peux allumer un feu, s'il te plaît? Merci. J'aimerais vous la conter. Puisque certes, le démiurge nous a chassés de Luca Toré, mais nous aussi, nous pouvons chasser le démiurge et prendre possession de ses forteresses. À ce moment-là, vous vous asseyez tous. On vous sert des brochettes de taupe, qui est un mets plutôt luxueux. Enfin, luxueux pour des simples habitants de villes comme celle-ci. Vous savez, il y a... pas moins d'une cinquantaine d'années, même pas. Je ne sais plus trop bien. Basham n'était pas la ville qu'elle est aujourd'hui. En fait, il s'agissait originellement de la première ziggourat, découverte par les anabaptistes et les spitaliers. La ziggourat... enfin, une ziggourat, puisque c'est ce dont il s'agissait, c'est la forteresse d'un phérom ancien. Essayez d'imaginer un instant, à la place de ces bâtiments, de ces clochers, de ces chapelles anabaptistes, Une pyramide gigantesque de terre, de boue, rongée de sepsis jusqu'à la graine, semée de gigantesques cheminées desquelles sortiraient des milliards d'insectes. En son sommet, d'après ce que racontent les personnes avec qui j'ai pu en converser, se trouvait le maître incontesté de la ville, Marcourante, le féromancien. À ses pieds, des milliers d'esclaves asservis qui construisaient des jours et des jours durant, sans jamais se reposer, sans jamais dormir, l'intégralité de sa citadelle et qui l'étendaient autour de la cité. Alors, les hospitaliers, et les anabaptistes se concertèrent et levèrent plusieurs expéditions menées par Amos lui-même. Ensemble, ils mirent feu à la forteresse. Le combat fut rude, mais ils finirent par l'emporter et détruire complètement tout ce qu'il y avait sur place. Que ce soit les cheminées desquelles sortaient les milliards et les milliards d'insectes, Marcourante lui-même, ou l'intégralité du bâtiment, de l'édifice. À la fin, ils décidèrent de s'installer ici pour célébrer leur victoire. C'était également un point plutôt intéressant pour effectuer du commerce entre la Borca et la Franca. C'est pour ça que cette ville, même si elle se trouve sur le territoire anabaptiste, est fortement occupée par l'hôpital. C'est un peu le symbole de l'union entre les deux cultes qui se célèbrent ici au quotidien. Et il faut le savoir, Amos est considéré presque comme un véritable dieu ici. Je crois que les habitants, vous n'avez peut-être pas eu le temps de le constater, vous voient, lui louent un culte de la personnalité encore plus fort que Altaïr, Alucatoé, et Dieu sait que j'ai vécu toute ma vie là-bas à l'époque. Bref, tout ça pour dire que si eux ont pu détruire l'une de nos villes qui a désormais sombré aux mains des Lombardies, ce ne sont que des clanistes. Ici, c'était un véritable féromancien. Et nous l'avons chassé. Malheureusement, depuis, nous avons trouvé d'autres ziggourats à travers la Franca. 3, il me semble, aux dernières nouvelles. C'est pour ça, faites bien attention sur la route. Surtout, ne vous enfoncez pas dans les marais au sud. Ce n'est pas tous les jours que l'on croise ce genre d'endroit, mais on ne sait jamais. On raconte que les faux-bourdons sont légion là-bas. Vous savez ce que c'est qu'un faux-bourdon ? Non. Oh, c'est le nom que l'on donne aux esclaves. Je n'en ai jamais vu moi-même, je vous rassure, mais ils ne traînent pas beaucoup par ici, mais on le dit qu'ils sont des milliers des citoyens de villes et de villages qui ont été détruits par les féromanciens. Alors ils prennent contrôle d'eux et les envoient partout dans les terres de Franca, creuser des marais et ériger des totems, accompagnés des insectes. J'espère qu'un jour ils n'arriveront jamais à atteindre la cité à nouveau. Mais bon, je pense que s'il y a un endroit où se trouver, c'est bien celui-ci. Nous sommes en sécurité auprès du Baptiste. Il nous protégera comme il l'a fait en son temps. Là-dessus, vous allez continuer en racontant quelques histoires supplémentaires sur la Franca. D'ailleurs, peut-être, Flux, que tu en connais toi également. Je ne sais pas combien de temps tu y as passé, on n'en a jamais vraiment discuté. Est-ce que tu as une idée, à peu près ? Je dois y répondre maintenant, parce que j'ai la réponse. Hein, si pas du tout. Si... Juste pour savoir si j'ai bien. Tu veux, je peux te laisser 5 minutes, ou on peut même en parler une prochaine fois, il n'y a pas de souci. Non, hein, mais c'est parce que j'ai la réponse, c'est juste pour savoir si j'ai bien compris l'intention de ta phrase. Ou... C'est pas de souci. C'était savoir si jamais tu as quelques souvenirs de la Franca ou pas. Oui, sachant oui. Que le pays a pas mal changé ces 10 dernières années, c'est la date d'arrivée des Africains là-bas. Ça, c'est un peu compliqué d'y répondre du coup, parce que je rappelle que l'âge de Flux est inconnu. Mais pour donner une indication, j'ai passé toute mon enfance là-bas avec ma famille qui était déjà chroniqueur. Mmh. Et c'est au moment où j'ai atteint un certain âge, un peu comme Noah. Voilà, à peu près à l'âge de Noah, j'ai rejoint la Burga. Très bien. Non, la Borca. Je te retiens n'importe quoi. D'abord. En effet, dans ce cas-là, tu ne te rappelles pas plus que ça. Enfin, tu t'en rappelles un petit peu, mais elle a bien changé depuis. Sans doute. Je te propose, on va décider ça un petit peu en live, comme ville d'origine, parmi les grandes qui s'élèvent actuellement, il pourrait y avoir Toulon elle-même, qui à l'époque était à la main du serveur, et donc des chroniqueurs, ou peut-être des villes avoisinantes comme Montpellier, qui s'en est bien sorti, Perpignan également, ou Toulouse. Ce sont les quatre plus grandes villes du sud de la Franca. T'es pas obligé de me répondre tout de suite, mais si jamais tu veux qu'on en parle, vu que c'est quelque chose qu'on n'a jamais exploré, ça peut être l'occasion. C'est-à-dire qu'il y a une petite, un petit moyen de faire une référence à... Bien sûr. À qui j'ai pas mal vécu, donc ouais, je vais aller sur Toulouse. Parfait. Et du coup, bah, sois ravi de savoir que de manière méta, à Toulouse, on est plutôt bien sorti. En tout cas, elle n'a pas été rasée. J'aimerais en profiter pour vous demander, chacun d'entre vous, des petits tests d'intellect légende. Pour savoir ce que vous avez, ce que vous savez sur justement sur la Franca, de par au quotidien ce que vous en avez entendu parler, des informations que vous auriez pu récolter auprès des crieurs publics, des rumeurs qu'on en aurait pu vous donner, ou même des histoires qui vont se raconter là ce soir autour du feu. Tandis que vous mangez tous les 4, 5, 8. C'est un jet de quoi du coup ? D'intellect légende, sachant que. Merci. Les personnes originaires de Franca rajoutent un dé et que les apocalyptiques, donc Mokosh, va pouvoir y rajouter son historique réseau. Attends, oui. T'as dit apocalyptique, Mokosh, ça a changé. Je suis vraiment désolé, j'arrête. Décidément, ce sont les anabaptistes. Non mais c'est un vrai complot hein, entre les anabaptistes et les apocalyptiques. Excuse-moi, t'as eu un mini bug. Il rajoute combien de dés les gens qui viennent de Franca? Un dé. Ok, merci. Ouais, donnez-moi bien vos succès, vos déclencheurs. Ça va influer les rumeurs sur lesquelles je vais vous parler. Je vous propose que les rumeurs, je vous les donne à haute voix. La dernière fois, lorsqu'on avait joué ça en pur garé, je vous les avais envoyés par message privé, il me semble. Là, je vous propose que je vous les raconte à haute voix. Sachant qu'il y en a beaucoup, donc vous aurez d'autres occasions avant d'arriver là-bas d'en découvrir d'autres. Donc il faut n'hésitez pas à essayer de vous renseigner un petit peu sur ce qui se passe là-bas dans le sud. Également, j'ai oublié. Oui, certaines d'entre elles peuvent être, je crois que c'est ça que je voulais dire, potentiellement fausses, parce qu'il y a des rumeurs qui sont justement fausses. Ce sont des rumeurs. Alors, nous avons 4 dés. 4 réussites et un déclencheur pour Toric, 4 réussites et un déclencheur pour Toric, pour Flux, je suis vraiment fatigué, 3 réussites pour Mokosh, et une seule réussite pour Jacquard, c'est bien ça? Oui. De ton côté, Jacquard, tu n'en as pas entendu grand-chose, à part que l'on dit, en tout cas certains des ferrailleurs avec qui tu as pu converser alors que tu te trouvais ajusticienne, t'ont dit qu'ils souhaitaient, plutôt que de se rendre sur les terres de l'Est, de la Borca, se rendre justement en Franca, puisque l'on raconte que la Franca du Sud connaît une nouvelle ruée vers l'or depuis des dizaines d'années et que d'énormes trésors seraient ensevelis dans les marais. Ensuite, Mokosh, toi tu n'en sais pas grand-chose non plus. Tout ce que tu sais, c'est que, c'est justement assez lié avec ta mission, il y a eu un grand exode à l'époque, et que les anabaptistes ont quitté la région, ils ont jeté leur dévolu sur un nouveau foyer, celui de Briton, la Sainte, au nord-ouest de la Franca. En d'autres termes, la Bretagne. Il s'agit donc un petit peu d'une mission très compliquée qu'on t'annonce là. Peu de fureurs rêvent de se rendre un jour en Franca du Sud, mais en même temps, tu t'en sors relativement bien par rapport au jugement que tu auras pu te prendre il y a quelques mois, et c'est justement l'occasion de prouver à ton culte ta bonne foi. De ton côté, Toric, tu as réussi à faire un déclencheur. Toric, tu as appris au cours de certaines discussions au sein de l'hôpital qu'un navire hôpital des hospitaliers était dissimulé dans les marais du Rhône. Les docteurs planifieraient en effet une attaque contre Souffrance. En tout cas, c'est ce que tu as entendu. Souffrance, c'est ce qu'on appelle un champ de sport mer. Ça veut dire un endroit où, si vous ne vous y rendez pas sans une combinaison intégrale hermétique, va vous transformer quasiment instantanément en les pros, donc les fameux esclaves des phéromanciens qui s'appellent les faux bourdons en franca. C'est un endroit où le taux de spoilerulation est extrêmement fort. Et c'est également dans ces champs de sport. Alors, il y a les champs de sport et les champs de sport mer. Les champs de sport mer, peu de monde y s'y rend, puisqu'on raconte que des abominations y vivent, notamment les fameuses Homo de Genesis. Mais dans les champs de sport, vous savez que c'est là que apparaissent les fameux bourgeons de brûlure que récoltent les apocalyptiques. C'est donc relativement dangereux, en réalité, d'aller récupérer des champs des bourgeons de brûlure dans les champs de sport. De ton côté, Flux, tu as également réussi à faire un petit déclencheur. Du coup, je disais, tu as appris une chose, un conseil que tu vas te garder en tête, c'est que là-bas, dans le sud, vers les villes comme Toulon, il ne faut jamais vendre de grandes quantités d'un seul coup. Donc si jamais vous faites des expéditions, vous avez des marchandises, puisque le taux de change entre les lettres de change, justement, et les dinars, qui sont la monnaie courante là-bas, fluctue sans cesse. En fait, il est mis à jour tous les jours, et justement, les Africains sont passés, surtout les Néo-Libyens, sont passés maîtres dans l'art de le manipuler pour réaliser les meilleures affaires commerciales. C'est donc assez bien de garder beaucoup de prudence lorsque tu vas vendre des choses là-bas, ou lorsque tu vas faire des achats, ou échanger tes lettres de change contre des dinars, puisque c'est quelque chose que tu dois faire extrêmement régulièrement. Les lettres de change que tu imprimeras tous les jours seront inutiles sur place. Il faudra aller les échanger au bureau de douane. Je vais également faire un petit jet pour Lito. Qui s'en sort, ma foi, très bien, puisqu'il a fait également un déclencheur et plusieurs réussites. Lito, il rebondira sur ce que tu disais, Mokosh, sur l'abandon des... du sud de la Franca par les Anabaptistes, en te disant que, selon la rumeur, les Anabaptistes seraient retirés du sud de la Franca après un désaccord avec les Spitaliers qui se trouvent sur place. En effet, le culte médecin aurait préféré s'allier avec les Anubiens. À ce moment-là, ça jette peut-être un peu un froid au niveau de Toric, mais tu sens que Lito ne semble pas t'en vouloir personnellement, même si, visiblement, ton culte aurait plus ou moins trahi le sien. Bref, j'en passe plein d'autres des rumeurs dans le style que vous vous racontez, puisque là vous vous projetez vraiment dans votre voyage, vous venez de quitter Justicienne, vous n'allez pas vous rendre à nouveau dans Justicienne avant plusieurs années. Peut-être que lorsque vous vous rendrez de nouveau sur place, Casse-Gueule et Bambino seront devenus des apprentis juges, peut-être que Noah aura évolué dans son culte, peut-être que les clanistes auront envahi la ville et que tous les gens que vous avez connus seront morts, vous ne le savez pas trop. Mais pour le moment, l'instant est à la joie et à la bonne humeur, donc vous partagez quelques coupes de vin et vous mangez, vous festoyez presque tous ensemble, profitant du fait que l'auberge soit complètement abandonnée ce soir-là. Est-ce qu'il y a des questions précises que vous aimeriez poser sur la ville où vous vous trouvez, sur votre voyage ou autre, que ce soit aux gens avec qui vous vous trouvez actuellement ou aux autres joueurs, n'hésitez pas. Sinon, on passera directement, je pense, au lendemain matin. S'il y a d'autres choses à faire que vous souhaiteriez faire également, par exemple une balade en ville, etc., n'hésitez pas. Est-ce qu'ils veulent bien nous filer des bouteilles de cognac pour le lendemain ? Franchement, on vous doit bien ça. Je vais vous en mettre une ou deux caisses. Je sais pas trop si vous allez pouvoir les charger efficacement dans vos chevaux, sur vos chevaux, pardon, mais... Ah, autant... si, tant qu'on y est. Est-ce que vous auriez pas, du coup, vous tenez une brasserie ? Une distillerie, pardon, des gourdes. Alors, pas des gourdes à proprement parler, enfin, on n'en a pas d'état, mais on doit pouvoir vous trouver ça, oui. Ouais, je ferai avec plaisir. Je vais essayer de vous trouver ça. À ce moment-là, tu vois qu'il se lève et qu'il va fouiller dans une espèce de débarras à l'arrière. En plus de cognac, hein. Tu l'entends rigoler lorsque tu dis ça. Quelqu'un d'autre a quelque chose à faire ou quelque chose à demander ? Pas dans la soirée, mais je propose à mes amis que le lendemain, juste avant de partir, on fasse un tour sur le marché matinalement pour effectivement chercher des vivres et voir un peu ce qui se vend dans le coin. Oui, je suis d'accord. Vous êtes donc guidé le lendemain matin par Dana qui vous raconte un petit peu comment ça s'est passé pour elle après Luca Toré, comment est-ce qu'ils ont immigré jusqu'en Franca, en passant par la forteresse alpine, où ils ont dû payer un tarif exorbitant, les Helvétiques en avaient profité pour monter les prix. Donc c'est une taxe de passage, et elle vous mène jusque justement à la boutique, jusqu'au bazar, où vous pouvez acheter les objets relativement moins chers. Vous voyez dans ce bazar qu'il y a des tas de choses. Vous voyez notamment des tentes, des sacs de couchage, des couvertures, des sacs à dos, des boussoles, des cartes de la région également. Et tout plus ou moins à bas prix. C'est vrai que les prix ne sont pas extrêmement élevés en ces lieux. Vous avez également des gourdes, des filtres à eau et du matériel, par exemple, de chasse. Vous allez également trouver des huiles et des allumettes pour allumer des lampes, ou simplement des torches même, par exemple. Et le tout justement à bas prix, notamment parce que vous remarquez que le matériel semble évidemment d'occasion. Un sac de couchage dans Dead Genesis, il n'est pas neuf, il n'a pas été construit il y a 2 semaines. Oui. Donc tout est dans un état plus ou moins bon. Voilà. Mais au moins, pas trop cher. Disons que ça me renvoie à très loin dans le temps où je me rappelle à ce moment-là, ce jour où nous retrouvions avec Abby et Mokosh sur le marché de justicienne en train d'acheter de quoi nous rendre à la ville de Carf. C'est ça, à la ville de Carf, ouais. Où on discutait justement avec, je crois que c'était une amie de celle qu'on devait retrouver, qui nous vendait de quoi. Et j'ai une petite nostalgie à ce moment-là. C'est mignon. Moi, oui, du coup. Ouais, j'ai une remarque, du coup, juste un peu méta. Est-ce que, du coup, comme à l'époque, du coup, là, c'est vraiment la joueuse qui parle. Ouais. On a une petite liste écrite, parce que je t'avoue qu'à l'oral, retenir tous les éléments un peu possibles, c'est un peu difficile. Je sais pas si. Je vous envoie ça. Ah, c'est gentil, merci. Je t'envoie ça. Alors. Normalement, j'ai pas eu le temps exactement de faire tout ce que je voulais faire. Je voulais rayer certains noms de la liste, donc vous allez voir des choses qui ne sont évidemment pas en vente. D'accord, il n'y a pas de soucis. Maintenant, tout ce qui est matériel commun. Ouais, ils en ont. Les. Logiquement. Ouais. Alors. Du coup, ma blague, que t'es hétorique, pour te faire pardonner de la traîtrise de ton culte qui a condamné une région entière, tu nous désinfecteras bien les sacs pour qu'on ne chope pas des punaises de lit ou ce genre de conneries. Voilà. Ouais, tu sais, c'est pas si bête ce qu'il dit. Hein. Tu sais très bien que la pureté, désinfection et moi, ça fait un. Donc il est en train de laver même sur le, tu vois, Tori qui est tellement impulsif. Ça, il est sur les tables, il lave déjà, tu vois. Même ceux qui n'achètent pas, il les lave, tu sais. Tu me l'aurais même pas demandé. Que c'est pas si bête ce qu'est en train de dire Jacquard, ouais. Mais ouais, en effet, bon, c'est qu'avec Tori dans la place, ça, dans la place. Ouais, non, si tu me l'aurais pas demandé, je l'aurais fait quand même, tu vois. Donc. Ouais. Au niveau de la nourriture, oula, c'est finalement. Les trois cousins qui décident de vous fournir tout ce qu'il faut jusqu'à votre arrivée à la forteresse alpine. Okay. Ils ont des réserves et ils estiment que c'est la moindre des choses. Et puis après tout, en souvenir du bon vieux temps, dit l'un d'entre eux, on vous doit bien ça. Hein. Et puis pour le service, évidemment, pour hier. À ce moment-là, vous allez récupérer vos chevaux et Lito paye les frais qui ont été engagés sur place, puisque vous avez déjà acheté de nombreuses choses, et vous quittez la ville le plus rapidement possible, si j'ai bien compris, pour passer, espérer arriver le plus rapidement possible à la forteresse alpine. Parfait. Je vais vous demander quelques secondes pendant lesquelles, tiens, pour vous occuper, je vais vous demander de me dire de quoi est-ce que vous discutez sur le trajet. Et d'ailleurs, par exemple, est-ce que les autres vous discutez un peu avec Lito? Pour l'instant, Vous voyez que c'est quelqu'un qui a pas l'air extrêmement avenant non plus, mais il a pas l'air méchant. Est-ce que vous parlez avec lui? Est-ce que vous lui demandez d'où il vient ou autre? Ou même est-ce que vous discutez entre vous? Et si vous discutez, en tout cas, de quoi est-ce que vous parlez? Oh là. Pour ce qui est de Guto, personnellement, j'essaie pas de m'engager dans la conversation. Mais s'il fait un effort de répondre à ce qu'on discute, je fais comprendre que effectivement, il est bienvenu dans la discussion. Il n'y a aucun moment où je lui dis chut, on parle entre nous. Mais sinon, je vais pas le chercher personnellement. D'accord. J'imagine qu'en effet, vu que le trajet est assez long, vous parlez forcément entre vous. Tandis que Mokosh, elle, doit mener le groupe un peu en avant avec la moto, entre autres pour ne pas effrayer les chevaux. Ouais, on doit avoir un peu du mal, effectivement, de parler à Mokosh. Sans doute dans ce cas-là que Jacquard se trouve en tête avec le cheval complètement sourd pour pouvoir la laisser se rapprocher sans trop de soucis. Oh, pas du tout, je suis plutôt tout derrière, en fait. D'accord. Une bouteille à la main. Je parle pas trop, je suis un peu à moitié endormi. Voilà. Parfait. En tout cas, moi, j'observe un peu le paysage. Voilà, c'est la première fois que je viens en Franca. Ouais. Bon, j'avoue que je suis un petit peu en mode touriste. Genre, oh, c'est quoi ça? C'est vrai que petit à petit, le véritable visage de la Franca s'ouvre à vous. Tu observes au loin, à un certain moment... Enfin, vous pensez observer au loin le départ des marées. Pour l'instant, vous êtes quand même relativement en haute altitude. Mais vous observez tous un petit peu ce spectacle se dessiner au loin dans une espèce d'énorme creux gigantesque qui s'ouvre devant vous, tandis que vous continuez sur la route. Route sur laquelle vous continuez de croiser de temps en temps des anabaptistes, des marchands, des groupes d'hospitaliers également qui s'arrêtent de temps en temps. Vous tombez sur des auberges ou autres où vous pouvez faire des pauses, en profiter pour parfois remplir vos gourdes à des puits. Après, peut-être que certains n'aimeront pas l'hygiène que cette solution vous propose. Et vous traversez ainsi le pays. Votre objectif, pour rappel, c'est de retourner en Borca, par le sud du pays, afin de rejoindre la forteresse alpine, puisque c'est a priori le seul moyen stable, en fait, c'est vraiment de zigzaguer entre les pays comme ça. Je précise aussi, Torik, en tout cas, je te précise, vu que tu m'en parlais, à propos du paysage, tu remarques également quelque chose forcément d'assez probant, c'est que il n'y a pas de poussière rouge là où vous vous trouvez. Toi, t'as quasiment tout le temps baigné à l'intérieur, sauf lors de ta petite excursion en Purgaré. C'est les tempêtes de sable, la poussière rouge qui jonche les paysages de la Borca. Ici, il n'en est rien. Tout est beaucoup plus vert, tout est beaucoup plus humide également. Vous avez souvent des moucherons qui vous virevoltent un petit peu autour et qui vous gênent tandis que vous avancez à grande vitesse. Les bestioles et la vermine semblent en plus apprécier la compagnie des chevaux sur lesquels vous vous trouvez. Vous sentez également un vent relativement frais, comme vous en avez rarement connu en Borca, sauf par temps d'hiver, c'est qu'également, vous êtes actuellement au début de l'hiver. Est-ce que ça, au niveau de la fraîcheur, est-ce que ça peut faire repenser un peu à Moon Luther ou pas? Oui, c'est vrai, en effet, c'est un peu ce genre d'ambiance, tu sais, chemin très humide un petit peu, souvent, en Franca, on a l'impression, même en altitude, que justement, il suffit de laisser poser quelque chose pour qu'il s'imprègne tout de suite de l'humidité un petit peu ambiante, là où en Borca, le climat est beaucoup plus sec, tu vois, il est beaucoup plus dur. D'accord. Je vois. Ah, ça me change un petit peu, j'aurais presque un peu froid. Exactement. Tu sens également de nouveaux parfums en passant sur certains arbres. Il n'y en a pas énormément là où vous trouvez, parce que vous êtes assez haut. Mais de temps en temps, vous tombez sur de la verdure, de la végétation et des plantes que tu n'as pas vraiment l'habitude de voir, en tout cas. Et vous croisez également par moment, au détour de certains virages, les membres d'un culte que vous voyez très peu, ce sont les fameux Helvétiques. En effet, tu sais que Mulhouse, un endroit où vous allez sans doute devoir vous arrêter, en tout cas pas très loin, est un avant-poste où les Spitaliers, les Helvétiques, se sont rattroupés dans le but d'organiser leurs expéditions, notamment en Franca, évidemment. Maintenant, tu sais que si vous preniez les routes sud de Mulhouse qui vous donnaient vraiment en cœur de la Franca, et vous pouvez l'observer sur vos cartes, ce serait du pur suicide. On voit notamment au niveau du cratère de souffrance et de toute la zone qui est infestée autour, la fameuse... j'ai oublié le nom, mais... enfin voilà, il y a plusieurs divisions. Toute cette zone, c'est une zone qui est complètement perdue, où il n'y a pas âme qui vive. Vraiment, les seules zones habitables en Franca, en fait, ce sont le sud avec Toulon, Montpellier et Perpignan, qui sont les trois plus grandes villes. Et également Toulouse, le QG de la Résistance, dont on aura l'occasion de reparler. Et en fait, les seules zones praticables font en fait le tour du pays. Et encore, tout au nord, au niveau de Parasite, qui est en réalité Paris, c'est absolument pareil, impraticable. Seuls des hordes et des batailles de spitaliers surentraînés et de préservistes armés de lance-flammes et d'anabaptistes justement armés eux-mêmes de calcinateurs peuvent espérer s'y rendre et foutre le feu à tout ce qui bouge là-bas en espérant gagner du terrain petit à petit. Okay, pour l'instant, c'est loin d'être votre cas. Vous, les raisons qui vous mènent ici sont bien plus politiques et vous allez passer, malheureusement, j'ai fait quelques GD, le client n'est pas avec vous, une nuit ou deux sur place, sur la route, vous avez voyagé quasiment toute la journée, mais les chevaux sont complètement épuisés, l'altitude, ils le supportent mal, il y a beaucoup de montées, beaucoup de descentes. Parfois, vous êtes obligé de vous arrêter quelques minutes parce qu'un énorme rocher s'est éclaté au milieu de la route et bloque complètement le chemin, ou parfois c'est un arbre qui est simplement tombé, sans doute pendant la nuit à cause d'une tempête, ou d'une bourrasque de vent, vu que le bois est complètement mort. Vous repartez donc le lendemain matin, pas très frais, vous n'avez pas très bien dormi, vous avez du mal, surtout que vu que vous êtes assez haut en termes d'altitude, en plus vous montez de plus en plus, vous, mine de rien, respirez un peu plus mal, votre corps il n'est pas habitué à ces hauteurs-là. Et à un moment, vous apercevez au loin, alors que vous dépassez justement l'avant-poste de Mulhouse, vous ne vous arrêtez pas, quelques sommets enneigés. Assez rapidement, alors que vous vous enfoncez à l'intérieur des montagnes et de la forte, en direction de la forteresse alpine, vous commencez à complètement vous enfoncer dans une zone enneigée. Vous êtes haut, il fait froid, alors tout simplement la pluie s'est transformée en neige et la neige a tenu. Le chemin, heureusement, est dégagé assez régulièrement. Vous pouvez traverser sans trop de problèmes. Mais certains passages sont plus ardus que d'autres et vous êtes obligé de vous recouvrir de couvertures ou de drapés que vous avez pu récupérer ici et là. C'est également beaucoup plus compliqué ici de faire un feu parce que le bois que vous transportez et que vous avez pu ramasser est assez humide et pour faire réchauffer votre nourriture, ça vous pose quelques soucis. Les quelques brochettes de taupe ou bouillies d'insectes qu'on vous a passées, vous êtes donc pour la plupart obligé de les manger froids à bord de vos véhicules. Mokosh, toi, tu dois t'arrêter de temps en temps pour remplir ta moto de pétro. Heureusement, t'en as pris plusieurs bidons, alors que tu te trouvais à cathédrale, et tu sais que tu as bien fait, parce que, mine de rien, elle consomme énormément, la machine, sans doute beaucoup trop, d'ailleurs. Et tu sais que, sans doute, une fois arrivé à Toulon, si jamais tu y arrives sans panne d'essence, tu devras racheter des ressources là-bas pour pouvoir repartir. Les néolibiens sont les rois du pétrole, justement, et sans doute que ça va te coûter une certaine somme, mais malheureusement, c'est le jeu, ils ont le monopole. Nous allons enfin nous arrêter et quitter cette session sur la vue de la forteresse alpine. Alors que vous arrivez en sans-pied, que vous êtes obligé de faire la queue, puisque des groupes de marchands en fait, sont là en train d'attendre et protestent pour pouvoir passer, certains refusent de payer le prix, les taxes helvétiques qui sont imposées. Vous attendez donc votre tour. Vous êtes là, en plein milieu du froid, vous bougez absolument plus, vous êtes frigorifié. Tandis que certains marchands vous abordent et vous proposent, par exemple, un thé chaud ou autre contre quelques lettres de change. Le tout devant l'immense structure métallique sur lequel prône fièrement le symbole des Helvétiques, la croix helvétique, et quelques hommes dans cette espèce de gigantesque forteresse hors du temps. Elle est absolument incroyable, elle semble issue d'un monde technologique hors du vôtre. Vous avez même des espèces d'énormes véhicules qui roulent sur certains remparts. Vous ne le savez pas, mais de manière méta, vous savez ce que c'est. Ce sont des tanks. Ils sont des tanks au niveau de leurs remparts qui servent à les protéger. De quoi, a priori, pas grand-chose, puisqu'il n'y a pas vraiment âme qui vive dans les montagnes. D'ailleurs, vous savez que si tout le monde passe par la forteresse, c'est que c'est clairement du suicide pur et simple que de tenter de traverser hors des routes à l'intérieur des montagnes. Certains s'y essayent, très très peu en reviennent.